Première partie. Livre premier. Enméritif, fils de Pierre et d'Anne Simon, naquit le 16 novembre 1692 à Nitrie, terre dépendante de l'abbaye de Molène, dans le Tonnerrois. Son père avait une fortune honnête. C'était un homme charmant par la figure et d'une conversation amusante. On le recherchait de toutes parts et lorsqu'on ne pouvait l'avoir, on venait chez lui. Comme il avait la satisfaction de toujours plaire, il prit aisément le goût d'une vie dissipée. Ses affaires en souffrirent. Aimé n'avait pas de brillant dans l'esprit. Son père le crut sot et le négligea. Mais le caractère de ce jeune homme était solide. Il avait le sens droit et l'esprit si juste que dès l'âge de 12 ans, effrayé du délabrement des affaires de sa maison, touché des larmes de la plus tendre des mères, il se mit à la tête et entreprit d'empêcher une ruine totale. La conduite de son père, quoique honnête, suivant le monde, fut pour lui une leçon salutaire. Mais loin qu'il diminuât son respect, il porta si loin cette vertu que c'est encore un proverbe à Nitrie. Il craint ses parents comme Edmond craignait son père. Ce père, si aimable avec les étrangers, était terrible dans sa famille. Il commandait par un regard qu'il fallait deviner. À peine ses filles, elles étaient au nombre de 3, obtenaient-elles quelque indulgence. Je ne parle pas de son épouse, profondément pénétrée de respect pour son mari. Elle ne voyait en lui qu'un maître adoré. Quoiqu'elle fût d'une famille supérieure, puisqu'elle était alliée au cœur de roi, dont il y a encore des présidents au Parlement de Bourgogne, elle se précipitait au-devant de ses moindres volontés. Et lorsqu'elle avait tout fait, un mot de son impérieux mari la comblait. « Ma femme, reposez-vous. L'accolade d'un souverain n'aurait pas flatté davantage un courtisan. » Mais si Anne Simon respectait son mari comme un maître, elle en était bien dédommagée par la tendresse de ses enfants. Tous faisaient avec elle cause commune. Au plus léger chagrin, ses filles l'entouraient, essuyaient ses larmes, et si quelquefois un mot demi-respectueux leur échappait à l'égard de leur père, Anne reprenait sur le champ sa fermeté et faisait une remontrance vigoureuse. Pour son fils, c'était son plus efficace consolateur. Quelle tendresse! Comme il rendait à sa mère toute la déférence qu'elle avait pour son mari. Aussi Anne disait-elle quelquefois à ses filles, « Ce que je fais pour un homme le fait pour moi. Où est mon mérite ?»« Mes enfants, si quelquefois j'étais assez malheureuse pour avoir une pensée de révolte contre mon mari, cette seule idée la chasserait. C'est le père d'Edmond. » La manière dont Edmond erre témoignait sa tendresse à sa mère était tout active. S'il se trouvait présent lorsqu'elle était grondée par un mari impérieux, il n'allait pas faire à son père des caresses qu'il aurait repoussées. Il embrassait sa mère et choisissait cet instant pour lui rendre compte de quelques ordres qu'elle lui avait donnés et qu'il avait exécutés avec succès. Le maître fier préférait alors de s'adresser à sa femme. Il adoucissait le ton et se retirait calmé. La première éducation extérieure, c'est-à-dire hors de la maison paternelle, fut donnée à Edmond par 2 personnes également respectables, et telle que c'est le plus grand bonheur pour des paroisses quand il s'en trouve de pareilles. Je veux dire le curé de Nitrie et son maître d'école, le respectable Berthier, dont le nom, au bout de 80 ans, est encore en bénédiction dans le pays. Quelle glorieuse noblesse que celle-là! Ce maître d'école était marié et chargé de beaucoup d'enfants. Cependant, il s'acquittait de son devoir d'une manière si exacte, si généreuse, si belle, sa qualité de père de famille le rendait si respectable que sa conduite serait la meilleure preuve que le célibat n'est pas une condition avantageuse dans les personnes chargées de l'instruction, et même dans les ministres des hôtels. Loin de là, tout célibataire est égoïste. Il l'est par nécessité, qui ne tient à personne. Suppose que personne ne tient à lui. Il faut une vertu au-delà des termes ordinaires pour qu'un célibataire ait de la vertu comme certains curés. Il n'en sent que plus respectable. Sans doute, mais doit-on rendre la vertu si difficile? Quand viendront les temps, hélas, on me fera peut-être un crime de ce souhait patriotique. Je ne veux peindre le vénérable Berthier que par des actions. Je les ai déjà consignées dans l'École des Pères, ouvrage que les D, L, H, les S, les lignes ont pris pour un mauvais roman, et qui n'est que le dépôt des plus héroïques vertus. Oui, ce serait un mauvais roman, mais apprenez, ô vous, qui croyez si difficilement à la véracité des autres, apprenez que ce n'est point un roman. Je l'ai écrit de plénitude de cœur. J'ai rapporté ce que j'avais entendu. Si le livre est mauvais, c'est la vertu qui l'a fait mauvais. Soyez plus sage qu'elle. Mais voici le passage qui peint le vertueux Berthier. Il est la suite d'un autre que je rapporterai à la fin de cet ouvrage, et qui offre de même le portrait du vénérable curé. Notre maître d'école ébauchait l'ouvrage du pasteur et l'achevait. Je m'explique. Il commençait à donner les premiers éléments aux enfants et faisait aux grands garçons et aux grandes filles des leçons familières sur la conduite ordinaire de la vie, entre mari et femme, frères et sœurs, etc. Comme il était marié et père d'une nombreuse famille, ses conseils ne paraissaient que le fruit de son expérience. Cependant, on a su depuis que tout était prémédité avec le pasteur. Deux fois l'an, on avait des vacances, pour la récolte des grains et pour les vendanges. Il ne rentrait même que peu d'écoliers après les moissons. Le grand nombre attendait la fin des gros ouvrages. Les jours fixés étaient le 1er juin pour la clôture et le 20 octobre pour la rentrée. Il n'y avait point de leçons ces deux jours-là. Le bon vieillard consacrait le temps de la classe à des discours que je ne puis me rappeler sans attendrissement. Celui de juin roulait sur les torts qu'on pouvait faire au prochain dans la campagne durant les récoltes et sur l'emploi des heures de relâche que les travaux pouvaient laisser. « Mes enfants, disait-il, nous allons nous quitter pour plus de 4 mois. Les travaux de la campagne vous appellent. Il faut soulager des pères et des mères qui vous ont donné le jour, qui vous nourrissent, qui souffrent pour vous le froid, le chaud, la soif et la faim. Ces bons parents vont vous laisser, durant la belle saison de l'année, les travaux les plus doux. Ils se réservent toujours ce qu'il y a de plus pénible, bien différent en cela des gens de métier des villes, qui chargent l'apprenti de ce qu'il y a de plus dur et de plus fatigant dans la profession, et qui par là épuisent des figures des corps tendres et non encore formés. Ainsi, mes chers enfants, vous allez les uns continuer, les autres commencer un doux apprentissage de l'art le plus noble, le plus utile à l'homme, qui a pour chef et pour instituteur Dieu lui-même. Sentez bien toute la dignité, mes chers enfants, et ne le déshonorez pas, ne le dégradez jamais par une mauvaise conduite, en étant injuste, méchant, fripon, gâteur du bien d'autrui, par vous-même ou par vos bestiaux. C'est là le grand point, mes chers et jeunes amis. Vous allez passer des journées entières dans les bois et dans les champs avec des étourdis de votre âge, loin de la vue de vos bons pères et mères, qui vous retiendraient dans la crainte de Dieu et des hommes. Un seul mauvais sujet, par ses conseils, ses instigations, peut mettre à mal la moitié des enfants d'une paroisse. Mes écoliers, je vous prie au nom de notre bon Dieu, à votre nom à vous-même, et au mien à moi, qui vous chéris tous, de vous souvenir quelquefois dans ces occasions des instructions que vous recevez ici, de vous représenter notre bon prêtre vous inculquant le bien, et le pauvre vieillard Berthier le secondant de tout son petit pouvoir. Écoutez, mes bons amis, lorsqu'on vous donnera de mauvais conseils, ou qu'il vous viendra quelques mauvaises pensées, arrêtez-vous un moment, et dites-vous, que vais-je faire là? Supposons que je visse quelqu'un qui voulait en faire autant dans notre bien. Serais-je bien aise? Que lui ferais-je? Que lui dirais-je? Peut-être dans le moment, en punition de ce que je suis tenté de commettre, Dieu permet-il qu'un autre nous en fasse autant, ou pis? Comment oserais-je me plaindre d'un fripon, si je vais l'être moi-même? Si quelqu'un m'allait voir, que penserait-on? Mais supposons que personne ne me voit. Dieu te voit, malheureux, Dieu te voit, et tu ne trembles pas. Mes chers enfants, jamais un jeune garçon, une jeune fille, qui voudront se rappeler ce que je vous dis là, ne se laisseront aller au mal. Nous sommes tous frères dans la paroisse. Nous devons tous veiller sur les biens les uns des autres. Quelle agréable communauté si cela était ainsi! Eh bien, mes chers écoliers, que chacun de vous se dispute la gloire de commencer. Que Nitri donne l'exemple au village d'alentour, et qu'on ne récite notre nom que pour le louer. Chacun y gagnera tout ce que les méchants font perdre, et tout ce qu'on fait perdre aux méchants pour se venger d'eux. Voilà comme, dès cette vie, la bonne conduite a sa récompense. Je vous en prie, mes enfants, ne me donnez pas le chagrin d'apprendre que quelqu'un de vous ne tient compte de ce que je vous ai dit ici. Je vous en prie, les larmes aux yeux, ayez pitié d'un vieillard qui répondra devant Dieu, mais sans vous décharger de tout le mal que vous ferez et qu'il aura pu empêcher. J'ai à vous dire encore que voilà 7 à 8 mois d'école qui viennent de s'écouler. Mes enfants, tâchez de ne pas oublier. Emportez au champ, quand vous y conduirez vos bestiaux, l'abrégé de la Sainte Bible que voici. Et si vous vous rassemblez, lisez-en ensemble quelques chapitres. Cela vous entretiendra dans la lecture. Les dimanches, écrivez quelques pages. C'est pour vous que vous travaillerez, en vous mettant en état de faire vos affaires vous-même un jour. Adieu, mes chers écoliers. Dieu vous bénisse, comme je vous donne moi-même mon impuissante bénédiction, et faisons une petite prière avant de nous quitter pour obtenir qu'il la confirme. Après la prière, il nous embrassait tous et nous congédiait. Le discours de la rentrée avait deux parties. Dans la première, le bon maître rappelait toutes les fautes que ses écoliers avaient commises durant l'été. Il leur en faisait nommément des reproches, ou plutôt des plaintes modérées. Il les exhortait à réparer le mal qu'ils avaient causé. Il est bon de vous dire que durant les vacances, le bon vieillard ne cessait pas d'avoir les yeux ouverts sur nous. Il savait toutes nos actions. Les peines qu'il se donnait pour cela sont incroyables. Mais elles étaient prudentes, et nous ne les voyions pas. Il ne se permettait aucune remontrance durant la déposition de son autorité, comme il l'appelait. Il rendait compte de ses découvertes au bon curé, et ils se concertaient ensemble pour la réparation du mal et l'amendement des coupables. Mais tout cela était secret comme une affaire d'État. La seconde partie de son discours n'était que des exhortations au bon emploi du temps. Il faisait ensuite la distribution des places, mettant au banc le plus proche de lui les plus ignorants, et les plus savants aux plus éloignés, parce qu'il disait que l'ignorant devait être à portée d'entendre ce qu'il enseignait aux autres. Aussi était-ce le premier banc qui récitait le dernier. Je vais vous dire en substance le dernier discours qu'il ait prononcé, la mort nous l'ayant enlevé 3 mois après. Nous voici encore une fois réunis, mes enfants. Que cette journée du commencement de mes travaux et de mes plaisirs aurait de douceur pour moi, si je vous revoyais tous dignes d'éloge, et si j'avais à me féliciter qu'aucun de vous n'a méprisé les paroles d'un pauvre vieillard, qui vous a prié à main jointe de ne pas le charger aux yeux du grand juge des fautes qu'il aurait dû vous empêcher de commettre. Oh, mes enfants, vous craignez donc le bon Dieu moins que les hommes. Cependant, les hommes ne sont rien. Ils ignorent la plupart du temps toute la noirceur d'une action. Mais Dieu déroule jusqu'au dernier repli des cœurs. Un Père si bon, qui nous a envoyé la récolte pour nous nourrir, sans la providence de qui rien n'eût prospéré, on l'a offensé dans le moment même qu'on recevait le pain de sa main. On l'a outragé dans ses frères, dans ses amis, dans les habitants du même bourg, dans ceux avec qui, chaque dimanche, on se trouve réunis, comme une seule famille, dans la maison d'action de grâce, avec qui l'on mange un pain que le ministre de Dieu a béni, et qui est distribué en signe de communion et de fraternité. Oh, mes enfants, il en est donc qui se sont rendus des traîtres dans l'église de Dieu. Il fallait refuser ce pain, dès que vous vouliez mal à quelqu'un de ceux à qui il jurait amitié en votre nom. Il fallait à l'église vous séparer de celui-là, ne pas vous y trouver avec lui. Du moins, vous n'eussiez pas commis le crime de trahison de l'apôtre réprouvé, vous n'eussiez pas profané le temple et le sacrifice. Je n'en saurais dire davantage. Mes larmes achèveront, mes enfants. Cependant, il faut vous faire reconnaître que rien ne demeure caché. » Alors il appelait par leur nom tous ceux qui avaient fait tort au prochain. Il reprochait à celui-ci d'avoir donné à ses bœufs des javelles, de l'avoine, qui ne lui appartenaient pas, à celui-là de les avoir laissés dans la luzerne, le saint foin d'autrui, à l'un des querelles, à l'autre de s'être battu, d'avoir maltraité et blessé les bestiaux de ses camarades, de les avoir forcés à la charrue, pour ménager davantage les siens propres, d'avoir prolongé le travail, les jours où la charrue était à lui, et de l'avoir raccourci quand elle était à ses suitiers ou consorts, d'avoir anticipé sur l'héritage du voisin 1-2 raies de terre, d'avoir pris quelques javelles ou quelques gerbes sur le bord de son champ, d'avoir mangé le raisin et les fruits dans les héritages contigus, aux siens ou ailleurs, à quelques-uns les entretiens des honnêtes, leurs jurements, leur liberté avec les filles, et les mots grossiers dont ils s'étaient servis en leur parlant, à certains leur médisance, leur calomnie. Enfin, il reprochait le manque d'assistance aux offices, la négligence sur la lecture et l'écriture, en se faisant représenter par chacun ses papiers et ses livres. Il venait aux filles après les garçons. La conduite de nos jeunes villageoises était assez innocente. On ne leur voyait presque aucun des défauts des hommes. Et leur langue faisait à peu près tout le mal qu'elles avaient à se reprocher. C'était aussi là-dessus que roulaient les réprimandes du bon maître, et un peu sur la paresse, la nonchalance. Si quelqu'un avait fait pis, il la reprenait en particulier. « Que ne sont-elles femmes, ce qu'elles sont filles ?» disait-il quelquefois. « Mais ce sont les hommes qui les gâtent, par leurs mauvais exemples, qui les aigrissent, qui les accablent, et etc. » Ensuite, après avoir prescrit à chacun la réparation du mal qu'il avait fait, il passait à la seconde partie. « Allons, mes enfants, ne nous décourageons pas. La bonne manière de se repentir d'avoir mal fait, c'est de bien faire. Devenons des hommes nouveaux, prenons d'autres habitudes. » Faisons oublier cette année par une autre, durant laquelle nous serons meilleurs. Voici la 50e que je fais cette école. J'y ai vu vos pères, et même de vos grands-pères. Et je n'ai jamais trouvé que du mieux, d'année en année, si ce n'est dans ces dernières. Apparemment parce que mes 75 ans ne me laissent pas la liberté de m'acquitter aussi bien de mon devoir envers vous qu'avec vos devanciers. Mais c'est peut-être ici la définition. Ma tâche est faite et le terme s'approche. Dieu vous accorde à tous une vieillesse, comme la mienne, sans autre infirmité que la diminution de la chaleur et de la vie. Mes enfants, combien croyez-vous que mes 75 ans ont duré? Vous qui êtes jeunes, vous croyez qu'ils ont duré longtemps? Ils ne sont à mes yeux dans ce moment qu'un jour. Je crois que c'était hier que j'étais à votre âge, que j'étais enfant. À 30 ans, ma jeunesse me paraissait plus loin que je ne la vois aujourd'hui. Mes amis, sans la consolation que je ressens d'avoir bien vécu, je serais bien triste à présent. Mais je ressemble au vigneron qui a supporté le poids du chaud, la soif et nagé dans la sueur. Je n'éprouve que de la joie de voir le jour passer et le soir qui s'avance. Songez-y donc bien, mes enfants. La vie n'est qu'un jour. Vous en êtes au matin, et moi j'en suis au soir. D'autres sont au midi, et ceux-là ne voient plus ni le soir ni le matin. Ils ne voient que le midi dont la chaleur les échauffe et les enivre. Soyons bons, mes enfants. Assez le fin que le soir et l'arrivée de la nuit ne nous effrayent pas. Oh, mes amis, que l'approche de la mort est affreuse pour un méchant homme, mais qu'elle est consolante pour celui qui a fait le bien, servi Dieu, aidé ses frères. Il est comme le bon journalier qui va recevoir son salaire, bien sûr d'être loué par le père de famille et d'avoir la récompense au-dessus de la paye. Chaque âge a ses devoirs. Le vieillard se prépare à bien mourir en couronnant sa vie par des actions religieuses. L'homme soutient sa famille, élève ses enfants, leur procure une bonne éducation. Mais l'enfant n'a pour tout devoir que celui de travailler pour lui-même, de seconder les soins qu'on prend de lui. C'est votre cas, mes enfants. Voyons donc ce que nous allons faire cette année pour remplir cet objet. Pour que vous avanciez toujours, il faut examiner ce que chacun fait. On passera à un autre banc, et dès qu'on possédera ce qui s'enseigne pour le sien, etc. Tels étaient les discours que nous tenait ce bon maître, qui est à présent dans le sein de Dieu avec le sage prêtre qui avait su le choisir. Il fallait voir comme étaient alors les hommes à Nitri. On en reconnaît les restes parmi nous, mais ils commencent à devenir rares. La pureté même du langage qui distingue ce bourg de tous les environs et qui n'a souffert que peu d'atteintes depuis eux est due à l'instruction qu'il rendait commune. Cette pureté était l'image de celle des mœurs qu'il s'efforçait de faire fleurir. Que pensez-vous que nous donnions par mois à ce bon maître, car nous n'avons jamais eu ici, comme on en a ailleurs, d'école gratuite? 3 sous par mois, quand on n'écrivait pas encore, et 5 sous pour les écrivains. Voilà quel était le prix de ses soins paternels, salaire qu'il ne demandait jamais, et que quelques pères ont eu l'inhumanité de ne jamais lui payer pour leurs enfants. La communauté y ajoutait 15 bichets de froment et 15 d'orge par année, ce qui pouvait alors valoir une somme de 70 à 72 livres. Ainsi l'honnête homme avait à peine de quoi vivre, et jamais il ne se plaignait. Voilà ce que mon digne père nous a répété 100 fois, dans notre enfance, en payant un tribut de larmes à son vertueux instituteur. Ces choses se sont gravées dans ma mémoire, et tout ce que j'ai pu écrire de bon ne m'appartient pas. Il est à mon père, à mon aïeul, à l'avocat rétif, à ses dignes maîtres, dont toute la science se réduisait à la morale la plus pure. Qu'on lise, si l'on veut, dans l'école des pères, quel était le sentiment de ces vertueux citoyens, sur l'importance d'un bon curé, d'un bon maître d'école, et l'on verra que le bonheur des campagnes, la pureté des mœurs, et par conséquent la prospérité de l'État, dépendent de ces deux hommes. Ce sont eux qui forment de bons pères de famille, surtout le maître d'école, s'il était un Berthier. Pierre Rétif avait trop d'esprit pour ne pas s'apercevoir du mérite de son fils, et des bonnes qualités de son cœur. Il l'estima enfin, mais sans rien diminuer de sa dignité, ce qui peut-être fut un bien, du moins à en juger par les faits. S'ils faisaient un petit voyage ensemble, le père allait seul devant, et disait à peine quelques mots sur les objets qui se présentaient. Le fils suivait respectueusement, sans oser l'interroger. Le terrible hiver de 1709 acheva d'éclairer Pierre sur ce que valait son fils. Comme cet homme de plaisir était toujours à court, il avait vendu de bonne heure ses blés, et conséquemment, il ne profita pas du prix exorbitant auquel ils furent portés 6 mois après. Au contraire, il fut obligé d'en racheter pour sa subsistance pendant 2 mois, n'ayant gardé que ce qu'il lui fallait bien juste pour attendre les blés précoces. Il en avait fait autant des menus grains. Edmond aimait passionnément les chevaux. Ce noble animal, compagnon de ses travaux, lui était si cher qu'il ne put se résoudre à voir enlever tout l'orge et toute l'avoine comme son père l'avait résolu. Il en cacha une quantité assez considérable dans de vieilles futailles. et engagea quelques-uns de ses camarades, dont les pères ressemblaient aux siens, à en faire autant. Qu'on ne regarde pas cette action comme une sorte d'enfantillage. C'était une précaution de la plus grande importance, dans un pays où aujourd'hui même les animaux domestiques sont si négligés, qu'ils sont incapables de bien cultiver la terre. J'en dirais la raison. Pierre Rétif était trop peu attentif sur ses affaires pour s'apercevoir de cette quantité considérable de menus grains que réservait son fils. Et ce fut encore une leçon pour le dernier. On pourrait voler mon père sans qu'il n'en sût rien. Lorsque tout fut perdu par la gelée, Edmond, la mort dans le cœur, alla visiter ses blés, qui lui avaient tant coûté de peine. Il avait alors 16 ans et demi. Il n'en subsistait pas une seule trèche, mais la terre était si ameublie par la gelée qu'elle paraissait n'attendre qu'une nouvelle semence. Le jeune Edmond fit tout à coup cette réflexion. De lui-même et sans en parler à la maison, il conduisit les charrues dans les terres. Il y fit passer légèrement le soc et y sema de l'orge mélangée d'avoine le plus clair possible. On se moquait de lui. Son père le gronda et lui défendit de continuer. Edmond obéit, mais il engagea ses amis à faire ce qu'il n'osait plus exécuter. Le succès surpassa l'espérance et sauva le village. Ses grains clairsemés produisirent des touffes énormes. L'orge était d'une grosseur comme on n'en avait jamais vu. Quelques arpents qu'Edmond avait emblavés, avant la défense de son père, produisirent de bons grains, en suffisante quantité pour nourrir la famille, en triant l'orge de l'avoine. Ce fut ainsi que le jeune homme prévint la ruine totale de sa maison, et sauva en même temps sa patrie. Si Pierre R. l'avait laissé faire, il l'aurait enrichi. Car beaucoup de particuliers avaient offert d'abandonner leurs champs à ceux qui voudraient y semer, moyennant le droit accoutumé. C'était alors le quart.